oiseau qui chante. Tiens, un enfant qui joue. Une fleur qui s'invente. Un printemps pour deux sous. Tiens, un soleil qui brille. D'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient. Ça existe tout ça. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Une douce lumière s'enroule autour de moi. Mille mains familières me pètent comme un roi. J'ai retrouvé ma vieille vie, joli pull délavé. À l'instant je m'habille et je repars au passé. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Dans un vieux livre que j'ai relu 100 fois, un monde où il fait bon vivre, quitte à vivre sans toi. Toi qui n'es plus qu'une ombre dans le ciel bien trop bleu. Enfin je suis d'une ombre des imbéciles heureux. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux.